Lorsque tu fermeras. Extrait du recueil Les heures du soir. Lorsque tu fermeras mes yeux à la lumière, baise-les longuement, car ils t'auront donné tout ce qui peut tenir d'amour passionné dans le dernier regard de leur ferveur dernière. Sous l'immobile éclat du funèbre flambeau, penche vers leur adieu ton triste et beau visage, pour que s'imprime et dure en eux la seule image qu'ils garderont dans le tombeau. Et que je sente, avant que le cercueil se cloue, sur le lit pur et blanc se rejoindre nos mains, et que près de mon front, sur les pâles coussins, une suprême foi se repose ta joue. Et qu'après, je m'en aille au loin, avec mon cœur qui te conservera une flamme si forte que même à travers la terre, compacte et morte, les autres morts en sentiront l'ardeur.